Malheureusement. Là, ça va pas? Ben non, ça fait... C'est pas... Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement. C'est pas bien, là? Non. Malheureusement. Bon, on laisse tomber l'air, alors. Bon, bah, vas-y.